de toujours des histoires de négriers. Les razzias de siècles passés et ses misères. Mon aïeul partit là-bas sans espoir de retour, mais elle n'avait pas perdu l'amour envers son prochain. Elle pourrait manifester chaque matin. Elle fleurissait la maison de son patron avec les roses du jardin. Et le patron aimait bien ça. Elle finit un jour par l'embrasser. On parlait toujours des histoires de négriers. Les razzias de siècles passés et ses misères. Cousine moins partie là-bas sans espoir de retour, mais elle avait pas perdu l'amour envers son prochain. Elle pourrait manifester chaque matin. Elle fleurissait la maison de son patron avec les roses du jardin. Et le patron aimait bien ça. Tu finis un jour par l'embrasser. Bien ça, il finit un jour par l'embrasser.